Avoir se dit haben. Haben. Comment diriez-vous j'ai? Ich habe. Ich habe. Nous avons. Wir haben. Wir haben. Il ou elle ont. Sie haben. Sie haben. Vous avez. Vous parlez à une personne que vous voyez. Sie haben. Sie haben. Il a se dit hat. Hat. H-A-T. Hat. Et on emploie cette même forme pour elle a et cela a. Comment diriez-vous elle a? Sie habt. Effectivement, ça aurait dû être habt, mais c'est hat qui s'est imposé à l'usage, car sie hat est plus facile à prononcer. Sie hat. Elle a sie hat. H-A-T. Sie hat. Et tu as se dit du hast. Hast. H-A-S-T. Du hast. Là encore, la forme aurait dû être habst, mais c'est hast qui s'est imposé, d'où hast étant plus facile à prononcer. Pour dire vous avez raison en allemand, vous direz vous avez droit. Sie haben recht. Das Recht, c'est le droit. Non pas la droite, le côté droit, ça serait rechts, avec un S. Rechts, qui veut dire à droite. Par opposition à links, qui signifie à gauche. Mais das Recht signifie le droit, comme dans c'est votre droit, c'est mon droit. On a das Recht. Et pour dire avoir raison en allemand, on emploie avoir droit. Alors, comment diriez-vous vous avez raison? Sie haben recht. Sie haben recht. Oui, et tu as raison. Du hast recht. Du hast recht. Oui. Comment diriez-vous il a raison? Hat recht. Hat recht.